Chapitre 21e, Miss Thorne montre son talent à faire les mariages. En revenant à Barchester, M. Harding apprit d'autres nouvelles de nature à l'étonner. Pendant le trajet, l'archidiacre avait essayé de lui prouver par tant d'arguments invincibles qu'il était tenu à accepter les propositions bienveillantes du gouvernement, que quand il arriva à sa porte, il ne savait absolument pas que faire. D'autres causes d'émotion l'attendaient. Il trouva un billet par lequel sa fille le priait de venir la voir sans délai. Mais il faut que nous reprenions les choses d'un peu plus haut. Miss Thorne n'avait pas tardé à entendre les bruits qui circulaient au sujet de M. Arabin, ces bruits qui avaient ému si fort Mrs. Grantly. Elle aussi souffrait de voir le recteur de sa propre paroisse accusé de porter ses hommages aux pieds d'une divinité profane. Elle trouvait, comme Mrs. Grantly, que les recteurs et les vicaires devraient être mariés, et avec cette activité bienveillante qui la caractérisait, elle se mit à chercher pour M. Arabin un mariage convenable. Mrs. Grantly ne voyait d'autre remède qu'une bonne remontrance de l'archidiacre. Miss Thorne jugeait qu'une jeune femme agréable, pourvue d'une certaine fortune, serait un remède bien plus efficace. En parcourant le catalogue de ses amis non mariés qui pouvaient désirer un époux et ferait bonne figure dans une cure, elle arrêta sa pensée sur Mrs. Bold. En conséquence, sans perdre de temps, elle se rendit à Barchester le jour même où M. Slope avait été si bien traité par la signora, celui où son frère avait eu l'intéressante entrevue que nous avons racontée avec le dernier rejeton des Nérons, et invita Mrs. Bold à amener à Eula Thorne son baby avec sa bonne pour y faire un séjour de quelque durée. Miss Thorne parla d'un mois ou deux, comptant user plus tard de son influence pour faire durer ce séjour pendant tout l'hiver, afin que M. Arabin eût le temps d'entrer dans l'intimité de celle qui devait être sa femme. « Nous aurons M. Arabin aussi, » se disait-elle. « Avant le printemps, ils se connaîtront bien, et dans un an et demi, Mrs. Bold sera dame et maîtresse à Saint-Évold. » Et la bonne demoiselle se félicitait elle-même de son talent à faire les mariages. Éléanor fut prise à l'improviste. Elle finit par promettre d'aller passer à Eula Thorne une semaine ou deux, et la veille du jour où son père allait à Plumstead, elle était partie elle-même pour Eula Thorne. Miss Thorne voulut lui laisser quelques heures pour se mettre à l'aise dans sa nouvelle résidence, mais le lendemain matin arriva M. Arabin. « Et maintenant, se dit Miss Thorne, il ne me reste plus qu'à les mettre en présence. » Ce même jour, après le dîner, Éléanor, avec un air de dignité qu'elle avait peine à soutenir, avec des larmes qu'elle ne pouvait contenir, avec une agitation et une joie trop fortes pour être dissimulées, dit à Miss Thorne qu'elle s'était engagée à épouser M. Arabin et que les convenances exigeaient son retour immédiat à Barchester. Dire que Miss Thorne fut heureuse du succès de son plan, ce serait donner une idée trop faible de ses sentiments. Elle avait eu, elle aussi, des prétendants, mais ils avaient été des hommes de la vieille école, méthodiques et esclaves du formalisme. Quoique restée fille, elle n'avait pas toujours eu le cœur insensible, mais elle n'avait jamais cédé au premier assaut. Elle avait voulu rapprocher un ecclésiastique sérieux, d'âge moyen, et une jeune femme raisonnable qui peut-être se laisserait amener à un second mariage. Certes, elle était arrivée à ses fins, mais elle était un peu déconcertée par la rapidité de son succès et peut-être un peu contrariée de la facilité de Mrs. Bold à accorder sa main. Mais elle garda ses impressions pour elle. Ne passons pourtant pas si légèrement sur cette rencontre d'Eléanor et de M. Arabin. En acceptant l'invitation de Miss Thorne, Eléanor s'était évidemment rappelé que Eula Thorne était dans la paroisse de Saint-Évold. Depuis son entrevue avec la signora, elle n'avait fait que penser à M. Arabin et à l'avis qu'elle avait reçu de Madeline. Elle avait beau faire, elle ne pouvait s'empêcher de croire que M. Arabin l'aimait, et elle ne pouvait se cacher à elle-même qu'elle lui rendait cet amour. Si le destin voulait que M. Arabin partageât un jour ses joies et ses soucis, Miss Thorne ne serait-elle pas l'intermédiaire le plus bienveillant, le plus convenable qu'elle pouvait trouver? Et voici que Miss Thorne se faisait spontanément, en l'invitant, l'instrument de sa destinée. Quand elle apprit ensuite que M. Arabin était attendu le lendemain, il lui sembla que tout le monde conspirait en sa faveur. Mais cela ne lui était-il pas dû? Dans cette affaire de M. Slope, tout le monde n'avait-il pas conspiré contre elle? Le soir de son arrivée, pourtant, Éléanor ne put point se mettre à l'aise. Quand, après le dîner, Miss Thorne s'étendit sur les excellentes qualités de M. Arabin disant que les méchants bruits répandus sur lui n'avaient aucun fondement. Mrs. Bold ne put trouver une réponse. Quand Miss Thorne, allant plus loin, déclara qu'elle ne connaissait pas, dans le comté, de cure plus agréable que celle de Saint-Évold, Mrs. Bold, qui se rappelait les insinuations de Mrs. Grantly au sujet de la prêtresse de Saint-Évold, demeura silencieuse, bien que convaincue que tout le monde la savait favorablement disposée en faveur de M. Arabin. À quoi bon faire des aveux prématurés? S'ils pouvaient seulement se rencontrer et se dire l'un à l'autre ce secret qui brûlait leurs lèvres. Ils se rencontrèrent. Le lendemain, M. Arabin vint de bonne heure et trouva les deux dames travaillant dans le salon. Miss Thorne, loin de se douter que tous deux auraient béni son départ immédiat, resta à causer avec eux jusqu'au goûter. M. Arabin ne parla que de la beauté de la signora Neroni et de la famille Stanhope. Ces éloges serrèrent le cœur d'Eleanor et inspirèrent des craintes à Miss Thorne. Mais encore, cet aveu naïf de son admiration était-il une preuve de son innocence? On goûta. Puis M. Arabin partit pour remplir quelques devoirs relatifs à ses fonctions. Miss Thorne et Eleanor se promenèrent. Trouvez-vous la signora Neroni si charmante qu'on le dit? Demanda Eleanor au moment où elle rentrait. Elle est belle, très belle, mais je ne sais pas si on la trouve charmante. C'est une femme que tous les hommes auraient plaisir à contempler. Mais il en est peu, j'imagine, qui seraient heureux de l'introduire à leur foyer, alors même qu'elle ne serait ni mariée ni estropiée comme elle l'est. Ces paroles réconfortèrent un peu Eleanor. Elle resta seule dans le salon. La nuit tombait déjà quand M. Arabin arriva. Eleanor était assise à la fenêtre, profitant de la dernière clarté du jour pour lire son roman. Mais le spectacle du soleil qui se couchait alors la rendait moins attentive à son livre. En entrant, M. Arabin alla s'adosser à la cheminée, selon sa coutume, et fit quelques remarques banales sur la beauté du temps, en attendant que le courage lui vînt d'aborder un genre de conversation plus intéressant. Peut-être n'était-il pas résolu à faire séance tenante une proposition à Eleanor. M. Slope et M. Stanhope l'avaient bien fait, il est vrai. Mais les hommes de sentiments délicats n'arrivent pas d'ordinaire à une entrevue de ce genre avec une résolution bien arrêtée. Le tour de la conversation les amène à faire une demande dont ils n'avaient prémédité ni le moment ni la forme. Tel était le cas de M. Arabin. « C'est un charmant coucher de soleil, » dit Eleanor, continuant le sujet qu'il avait choisi. M. Arabin, ne pouvant de sa place voir le coucher du soleil, dut s'approcher d'elle. « Charmant, » répéta-t-il, se tenant discrètement assez loin d'elle pour ne pas toucher les volants de sa robe. Puis il n'eut plus rien à dire, sans doute, car après avoir considéré un moment, en silence, le coucher radieux de l'astre, il retourna à la cheminée. Eleanor se sentait incapable d'entamer une conversation. D'abord, elle ne trouvait rien à dire. Les mots, qui ne lui manquaient pas d'ordinaire, lui faisaient absolument défaut. De plus, elle avait beau faire, elle pouvait à peine s'empêcher de pleurer. « Aimez-vous, Eula Thorne ?» demanda M. Arabin, parlant à distance, dans la position sûre qu'il avait prise devant la cheminée. « Oui, beaucoup. »« Je ne veux pas parler de Mr. et de Miss Thorne. Je sais qu'il vous plaise, mais de la maison. Je trouve à ces vieilles résidences, à ces jardins dessinés dans les siècles précédents, un charme inexprimable. « J'aime les vieilles choses, » dit Eleanor. « Il y avait plus d'honnêteté dans l'ancien temps. Pour cela, je n'en sais rien. » reprit M. Arabin en riant doucement. C'est une opinion que l'on peut défendre et combattre. C'est étrange que le monde soit divisé à ce point sur un sujet qui semble être une question de fait, dont les éléments sont devant nos yeux mêmes. Les uns croient que nous marchons rapidement vers la perfection, les autres s'imaginent que la vertu va disparaître de la terre. Et vous, M. Arabin, qu'en pensez-vous? Eleanor, quelque peu surprise de ce tour imprévu de la conversation, n'en était pourtant pas fâchée. Elle pouvait parler sans montrer son émotion. « Ce que je pense, Mrs. Bold. » Et alors M. Arabin se mit à faire sonner son argent dans les poches de son pantalon. Il n'avait certes pas en ce moment l'air d'un amoureux embarrassé. « C'est le tourment de ma vie que sur des sujets importants, je ne puisse fixer mon opinion. Je pense encore, je pense toujours, et mes pensées courent dans mille directions. « Je pense, quant à moi, » dit Eleanor, « que le monde va se corrompant de jour en jour. c'est parce que vous le voyez de plus près que quand vous étiez plus jeune. Il est bien difficile de juger parce que nous voyons si peu de choses. » Puis il y eut un silence pendant lequel il continua à tourner, à retourner ses shillings et ses demi-couronnes. « Si nous ajoutons foi à l'écriture, nous ne pouvons admettre que l'humanité en général rétrograde. » Éléonore, qui avait dans l'esprit tout autre chose que le progrès de l'humanité, ne répondit pas. Elle ne pouvait distraire sa pensée du sujet que la signora avait traité devant elle avec une si étrange liberté, et elle sentait qu'il lui était impossible de continuer la conversation avec un ton dégagé et naturel. Elle aurait voulu pour tout au monde ne pas trahir son émotion, et elle ne doutait pas que M. Harbin ne la vît sur le champ s'il tournait les yeux de son côté. Mais il ne la regarda pas. Il quitta la cheminée et se mit à marcher de long en large dans le salon. Éléonore prit résolument son livre, mais elle ne put lire. Une larme l'en empêchait. Bientôt elle coula sur sa joue. Quand M. Harbin eut le dos tourné, elle l'essuya vivement, mais une autre la remplaça bientôt, puis d'autres encore, que ne vit pourtant pas M. Harbin. Après avoir 4 ou 5 fois parcouru la pièce, et au moment où Éléonore, ne pouvant contenir ses larmes, allait sortir, M. Harbin s'arrêta en face d'elle, puis, passant ses bras sous les pans de sa redingote, il lui fit la confession suivante. « Mrs. Bold, je vous dois une réparation pour une offense grave dont je me suis rendu coupable envers vous. » Le cœur battit si vivement à Éléonore qu'elle n'eut pas assez de confiance dans son sang-froid pour lui répondre qu'il ne l'avait jamais offensée. « J'y ai beaucoup pensé depuis, » continua-t-il, « et je sais maintenant que j'ai manqué de délicatesse, d'humanité même, en vous posant, il y a quelque temps, une certaine question. L'intimité qui existe entre votre beau-frère, le docteur Grantly, et moi, ne peut justifier ma conduite, pas plus que les simples relations de société qui existaient entre vous et moi. » Ce mot « relation de société » glaça le cœur d'Éléonore. « Je vous prie donc humblement de me pardonner. » Que pouvait lui répondre Éléonore ? Elle pleurait, mais il fallait pourtant dire quelque chose. Elle voulait être gracieuse, bonne, sans pourtant se trahir. Jamais les mots ne lui avaient manqué à ce point. « En vérité, je n'ai pas été offensé, monsieur Harbin. » « Oh si, vous n'auriez pas été vous-même si vous ne vous étiez pas senti blessé. Je ne me suis pas encore pardonné, mais j'espère vous entendre me dire que vous, vous me pardonnez. » Après avoir attendu un moment sa réponse, M. Harbin se dirigea vers la porte. Elle sentit qu'elle pécherait gravement contre la charité si elle le laissait partir ainsi. Se levant de sa chaise, elle lui toucha légèrement le bras et lui dit « Oh, M. Harbin, ne vous en allez pas avant que je vous parle. Je vous pardonne. Vous savez que je vous pardonne. » Il prit la main qui s'était posée doucement sur son bras et regarda Éléonore bien en face, comme s'il lui voulut dire sa destinée dans ses yeux. Sa physionomie avait en ce moment une expression de gravité si triste qu'Éléonore ne put le regarder, mais abaissa les yeux vers le tapis, laissa couler librement ses larmes et lui abandonna sa main. Ils ne demeurèrent ainsi qu'une minute, mais une minute qu'ils se rappelèrent toute leur vie. Éléonore était maintenant certaine d'être aimée. Il n'était point de paroles, si éloquentes qu'elles fussent, qui fussent si pleines de sens que ce regard avide et mélancolique tout à la fois. Pourquoi la regardait-il ainsi sans parler? Attendait-il que par un signe elle se déclarât la première? Et lui, qui connaissait si peu les femmes, il comprit aussi qu'il était aimé. Il n'avait qu'à faire une question, et il posséderait sans partage ce charme inexprimable, ses yeux si parlants dans leur silence même, cet éclat de fraîcheur, cette âme tendre et ardente qui avait exercé sur lui une si vive attraction dans la première rencontre à Saint-Ébold. En pouvait-il douter? Pourquoi autrement aurait-elle abandonné ainsi sa main à son étreinte passionnée? « Mrs. Bold, » dit-il enfin, et il s'arrêta. S'il ne pouvait parler, pourquoi aurait-elle parlé davantage? Il l'avait appelée par son nom de veuve, par le nom que lui donnaient de simples étrangers. Elle retira sa main et fit un mouvement comme pour retourner à sa chaise. « Éléonore, » dit-il alors d'une voix timide, comme si le courage lui manquait encore pour déclarer franchement son amour, comme s'il craignait de l'offenser par la liberté qu'il prenait. Lentement, elle tourna sur lui un regard tendre et plein de compassion. Non, il n'avait pas à craindre sa colère. « Éléonore ! » s'écria-t-il de nouveau. et en un moment il la tenait serrée sur sa poitrine. Était-ce elle qui s'était laissée aller à lui, vaincue par la tendresse de sa voix, ou lui, qui, exempt désormais de crainte, l'avait entourée dans ses bras? Ni l'un ni l'autre ne le savait. Il y avait entre eux cette communauté de sentiments, cette simultanéité d'élan dans laquelle ne pouvait se surprendre l'initiative de l'un ou de l'autre. Il n'était plus qu'un, une chair, une âme, une vie. « Éléanor, mon bien, ma femme !» Elle se hasarda à le regarder à travers ses larmes, et lui, abaissant son visage vers le sien, il la baisa au front. On lui avait dit qu'avec M. Arabin, oui serait oui, non serait non. Mais on ne lui demandait de répondre ni oui ni non. Quand elle dit plus tard à Miss Thorne qu'elle était engagée à M. Arabin, il n'y avait pas eu échange de promesses. « Oh, laissez-moi aller, » dit-elle. « Laissez-moi aller maintenant. Je suis trop heureuse pour rester ici. Il me faut être seule un moment. » Il n'essaya pas de la retenir. Il ne lui donna pas un nouveau baiser. Certes, il eût pu le faire. Elle lui appartenait tout entière. Il retira le bras qu'il lui avait passé autour de la taille et la laissa partir. Elle courut à sa chambre, poussa le verrou et goûta toute la joie de cet amour partagé. Oui, elle ne faisait plus qu'aimer. Elle adorait cet homme qui venait de lui demander humblement pardon. Que de larmes mêlées de sourires au souvenir des espérances, des craintes, des angoisses par lesquelles elle était passée depuis quelques semaines. Monsieur Slope, qui donc avait osé penser que la femme choisie par Monsieur Arabin fût capable de donner sa main à un Monsieur Slope? Et la joie brillait sur son visage quand elle songeait aux soins dont elle allait entourer la vie de celui qu'elle aimait. Elle sonna sa femme de chambre pour qu'on lui apportât son enfant. Seule avec lui, elle lui parla de son nouveau papa, et tandis que le baby se roulait sur le lit, elle fit avec abondance et chaleur, plutôt pour elle-même que pour l'enfant qui ne la comprenait pas, l'éloge de l'homme qu'elle avait choisi pour protéger et diriger son enfance. Une chose manquait encore à son bonheur. Elle voulut que M. Arabin prît l'enfant dans ses bras et l'adopta, en quelque sorte, comme sien. Au moment où cette idée traversa son esprit, elle prit Johnny dans ses bras, ouvrit sa porte et descendit rapidement au salon. M. Arabin y était seul encore. Après un moment d'hésitation, elle entra précipitamment avec son précieux fardeau et rencontra M. Arabin au milieu de la pièce. « Voici, » dit-elle hors d'haleine, « prenez-le, prenez-le et aimez-le. » M. Arabin prit l'enfant, le couvrit de baisers et le bénit. « Il sera mon enfant, » dit-il. Éléanor, en se baissant pour le reprendre, baisa la main qui le lui présentait et remonta à sa chambre avec la même hâte. C'est ainsi que se décida le second mariage de la plus jeune fille de M. Harding. À dîner, ils furent plutôt taciturnes, mais leur silence ne fut pas trop remarqué. Dans le salon, ainsi que nous l'avons dit, Éléanor fit part à Miss Thorne de ce qui s'était passé. Le lendemain, elle retourna à Barchester, tandis que M. Arabin allait raconter la grosse nouvelle à l'archidiacre. Celui-ci n'y étant pas, ce fut à Mrs. Grantly qu'il annonça qu'il allait avoir l'honneur de devenir son beau-frère. « Dieu du ciel !» s'écria-t-elle, et ce fut le cri général à Plumstead. « Pauvre Éléanor, chère Éléanor, de quelle monstrueuse injustice on a été coupable vis-à-vis d'elle !» Puis, pensant à la signora, « Comme il y a des gens qui mentent !» se dit-elle à elle-même. « Mais non !» En cela, les gens n'avaient pas menti.